Je roule à 110 km/h et la voiture devant à 90 km/h. La limitation de vitesse à 90 km/h prend effet à 150 mètres. Avant de dépasser, je fais un petit calcul rapide. Avec 20 km/h d'écart, il faut environ 10 secondes pour dépasser et donc plus de 330 mètres de distance libre à 110 km/h. Cela signifie que si je dépasse maintenant, je roulerai encore à 110 au niveau de la limitation. La seule solution possible est de ralentir pour ne pas me rapprocher de cette voiture et de rouler à 90 km/h comme elle en conservant une distance de sécurité de 50 mètres minimum. Réponse B et C.